Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. La ville et la science-fiction, c'est une grande histoire d'amour-haine. Si nous avons tous en tête ces villes futuristes aux immenses gratte-ciel, hyper technologiques, dessinant l'horizon d'un futur vraisemblable où les populations se seront massées dans un périmètre urbain hyper concentré, c'est le plus souvent avec la contrepartie d'une société verticalisée, stratifiée, où les plus riches bénéficient de tout le confort des étages supérieurs, là où près du sol fourmille la criminalité, la pollution, la violence, le chaos et l'exclusion. La ville du futur peut-elle être aimable ou est-elle au contraire la concentration de tous les dysfonctionnements de notre société du présent? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Prochain arrêt, Métropolis, c'est le programme urbain qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour arpenter les rues de ces monstruopoles du futur et comprendre comment la science-fiction a reconfiguré l'espace urbain, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Musset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directeur de recherche à l'EHESS, auteur de Station Métropolis, direction Coruscant, ville, science-fiction et sciences sociales. C'est dans la collection Parallax des éditions du Bélial. Et nous sommes en duplex de Bordeaux et des studios de nos camarades de France Bleu Gironde avec Natacha Vasder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse associée à l'université Bordeaux-Montaigne et présidente fondatrice du tout nouveau festival de l'imaginaire Hypermonde qui aura lieu au mois de juin prochain à Bordeaux et dont vous nous direz un mot tout à l'heure à la fin de l'émission. Mais avant de nous égarer dans ces ruelles obscures et ces tours infinies, on reste les deux pieds sur terre pour le journal des sciences de la semaine avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec le premier test de déviation d'astéroïdes en conditions réelles. Les risques qu'un astéroïde percute la Terre sont très faibles, mais ils existent. La NASA et l'Agence spatiale européenne lancent donc la mission DART ERA. Première étape, en juillet 2021, le satellite DART va être lancé pour impacter et dévier de sa trajectoire Didymos, un astéroïde inoffensif à 15 millions de kilomètres de nous. Deuxième étape, le satellite ERA de l'ESA sera lancé en 2024. Ce satellite, lui, va jauger la réussite de l'impact. Sur Terre, on peut seulement se baser sur des expériences faites en laboratoire sans réussir à simuler la pesanteur. Il s'agira donc de vérifier si on n'envoie pas accidentellement un astéroïde droit sur la Terre ou si on ne l'expose pas en plusieurs débris. Cette expérience grandeur nature va confirmer ou pas notre connaissance de la physique des impacts et des astéroïdes. Yann Carnelli est responsable de la mission ERA à l'ESA. Donc on va voler entre 30 et 1 km de la surface, prendre des images bien sûr à très haute résolution afin de pouvoir reconstruire le modèle numérique très haute définition de la forme du cratère de DART. En plus des images, on fera des mesures avec un petit radar à basse fréquence. Cela nous rendra des images un peu comme une radiographie de la structure interne de l'astéroïde. Cela est important pour la communauté scientifique afin de valider les algorithmes qui décrivent les impacts à très haute vitesse. C'est ça, c'est qu'on ne sait presque rien sur les conséquences d'un choc dans une roche soumise à très faible gravité. Tout à fait. Les résultats, disons, du choc dépendent très fortement de la structure interne d'un astéroïde. Donc si pour eux, les zones vides jouent un peu le jeu des airbags dans les voitures, donc absorbent l'onde de choc. Au contraire, si l'astéroïde s'avère être un monolithe rocheux, l'onde de choc pourrait traverser complètement l'astéroïde et même percuter la paroi opposée à la zone d'impact et détacher un morceau qui aurait un effet opposé à celui qu'on souhaite. Donc c'est la mission ERA, si vous voulez, est fondamentale pour valider l'expérience de DART, est fondamentale pour comprendre si vraiment on connaît la dynamique du petit corps et comprendre comment on peut interagir avec ces corps à très faible gravité. En bref, selon une étude parue dans Science Advances, la planète Mars est peut-être plus vieille que nous le pensions. Mais les chercheurs américains ont examiné des échantillons de météorites martiennes trouvées sur Terre. Ils constatent une composition très hétérogène de ces roches, avec la présence de tungstène, de platine et d'or. Puis ils ont modélisé la composition du manteau martien primitif. Après la formation de son noyau, Mars a probablement été frappé par des planétésimaux, de petites protoplanètes. Ces grandes collisions auraient ralenti la vitesse de formation de la planète. Selon ce nouveau scénario, il lui aurait fallu 15 millions d'années supplémentaires pour se former. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question d'une nouvelle piste thérapeutique contre le VIH. Nous avons parlé de la structure moléculaire de l'eau à l'état liquide, d'un nouveau record d'intrication quantique sur fibre optique et de la façon dont les chauves-souris sont des réservoirs à virus. Mais également, cette semaine, dans l'actualité scientifique, Natacha est en ultra bref. Cette semaine, nous avons eu la date du premier vol test habité de la capsule SpaceX. Le premier lancement devrait avoir lieu le 7 mai prochain avec deux astronautes à son bord. Ce sera le dernier test avant la mise en place de navettes américaines vers la Station Spatiale Internationale. Selon une étude parue dans Nature, il pourrait y avoir 4 fois plus de canicules dans l'hémisphère nord d'ici 2100. Même si on agit pour contrôler le réchauffement climatique, le nombre de jours et de nuits extrêmement chauds pourrait passer, dans le meilleur des scénarios, à 32 jours consécutifs, dans le pire, à 69 jours consécutifs. Et enfin, en janvier, 280 km² de forêts amazoniennes ont été détruits. Une déforestation record, c'est deux fois plus qu'en janvier 2019. Par ailleurs, on sait que les arbres absorbent le dioxyde de carbone et que les arbres morts le relâchent. Une étude montre que les parties déboisées d'Amazonie émettent plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. La forêt amazonienne se transforme en source de carbone. Et on passe comme un vendredi sur deux au journal de la science-fiction avec cette étude, Natacha, parue dans Genome Biology and Evolution. Des chercheurs ont reconstitué des gènes de mammouths. Et le but de l'expérience, ce n'était pas de cloner un mammouth, mais de mieux comprendre le pourquoi de leur extinction. Les chercheurs de l'université de Buffalo à New York ont séquencé l'ADN d'un des derniers mammouths laineux. Il s'agit d'un mammouth de l'île Wrangel, l'un des derniers bastions qui a disparu il y a 4600 ans, soit 6000 ans après l'extinction de ceux sur le continent. Son génome a été comparé à celui de mammouths plus anciens et à ceux d'éléphants contemporains. L'hypothèse, c'était que leur consanguinité a produit des mutations génétiques délétères. Pour vérifier cela, ils ont ensuite reproduit en laboratoire ces gènes et les ont testés pour vérifier s'ils fonctionnaient normalement ou non. Il s'avère que non. Régis Debrine est paléogénéticien au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Là, en particulier, ce travail, il supposait qu'il y avait un certain nombre de mutations sur des fonctions bien particulières et plutôt importantes pour la survie des mammouths, notamment la fertilité des mâles, la sensibilité au diabète, par exemple, ou encore aussi l'acuité du sens olfactif, qui est un sens extrêmement important chez les mammouths, notamment pour reconnaître les plantes dont ils pouvaient se nourrir. Bref, que tous ces caractères-là étaient présentés chez le mammouth de Wrangel, des mutations qui pouvaient être supposément délétères. Alors là, ils ont pousser leur étude jusqu'à transformer des ovocytes d'éléphants pour finalement inclure ces variants mutés de ces gènes de mammouth de Wrangel à l'intérieur du génome de ces embryons d'éléphants pour voir ce qu'il en advenait, en fait, tout bêtement. Et en fait, dans la très grande majorité des cas, malheureusement, c'est avéré que ces petits n'étaient pas viables. En fait, le développement était interrompu très rapidement. Et donc, c'est une hypothèse supplémentaire, en fait, pour justifier que c'est l'accumulation de ces défauts génétiques qui aura causé l'extinction des tout derniers mammouths sur l'île de Wrangel. En d'autres mots, ça revient un peu à ressusciter des gènes de mammouths pour vérifier l'origine de leur extinction. C'est exactement cela. C'est-à-dire que là, l'ambition, ce n'est pas de ressusciter un mammouth en entier, mais de faire fonctionner un gène de mammouth à l'intérieur d'un autre organisme. Et donc, le choix s'est porté, on va dire, naturellement, entre guillemets, même s'il n'y a rien de naturel là-dedans, vers son plus proche parent dans la nature actuelle, à savoir un éléphant moderne. Et donc, d'essayer de faire fonctionner ces gènes de mammouth dans des embryons d'éléphants. En bref, et dans la catégorie science amusante, En Corée du Sud, il est désormais possible d'interagir avec une version virtuelle d'un proche décédé. Et l'expérience s'appelle I Met You, je t'ai rencontré. On voit dans ce documentaire en ligne sur YouTube une mère dotée d'un casque VR et de gants haptiques interagir avec l'avatar de sa fille de 7 ans décédée d'une maladie incurable. Pour ses retrouvailles en réalité virtuelle, l'équipe de production a passé 8 mois pour enregistrer en motion capture les mouvements d'un enfant acteur, puis pour reconstituer le visage, le corps et la voix de la petite fille défunte. Au Royaume-Uni, tous les dossiers classifiés sur les ovnis vont être ouverts. C'est ce qu'a déclaré la British Royal Air Force. Le ministère de la Défense et son département dédié aux observations d'UFO a collecté des informations des années 60 jusqu'à 2009, date à laquelle ce service a été clôturé. La nouvelle va peut-être enthousiasmer les ufologues, mais sur les 50 ans de dossiers classés, les phénomènes non expliqués restent très rares et aucun rapport n'a jamais révélé la moindre preuve d'une trace potentielle d'extraterrestres. Ces archives seront mises en ligne ces prochains mois. Et au cinéma, le film Doctor Strange Into the Multiverse of Madness pourrait être réalisé par Sam Raimi. Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie Spider-Man et surtout de Evil Dead. Il serait en discussion en ce moment avec Disney. Et pour réécrire le scénario, Disney fait aussi appel à Michael Waldron, l'un des scénaristes de la série animée Rick et Morty. Benedict Cumberbatch interprétera toujours cet ancien neurochirurgien expert en sciences occultes. Le film devrait entrer en production au printemps prochain pour sortir en salle le 5 mai 2021. Je dois dire que Doctor Strange par Rick et Morty, ça donne, ça ouvre des perspectives de multivers assez intéressantes. Allez, on termine par la rubrique de Science Improbable comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, Natacha, je me demande si on va continuer à garder cette rubrique de Science Improbable parce que ça devient n'importe quoi à chaque fois, plus semaine après semaine. On va parler de poupées gonflables pour tortues. Ce sont les écologistes de l'université Carleton en Ontario qui ont eu cette idée pour étudier la vie sexuelle des tortues. Ce qui est assez difficile à observer, les tortues sont craintives et elles se reproduisent dans les profondeurs troubles des lacs. Les chercheurs ont donc réussi à tromper les mâles avec des modèles très réalistes. Et l'expérience montre que les mâles sont plus intéressés par les grosses tortues femelles plutôt que par les petites. Et les poupées ont aussi été armées d'une caméra GoPro. Ces vidéos sont disponibles sur Internet. Et pas sur les sites auxquels vous pensez. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Si à l'origine des villes du futur, la littérature a plutôt un regard positif, les dépeignant dans la lignée de l'utopie de Thomas More comme des espaces d'émancipation, de culture et d'évolution, le XXe siècle et la révolution industrielle vont très vite prendre le chemin inverse. Penser le futur, c'est penser l'agrégation de la population dans des espaces clos, avec tous ses corollaires, surpopulation, explosion des inégalités, violence intrinsèque, pollution. Les villes sont-elles en passe de devenir l'incarnation de cet enfer civilisationnel? C'est la question à laquelle nous allons donc tenter de répondre aujourd'hui par le prisme de la science-fiction avec le géographe Alain Musset, auteur de Station Métropolis, direction Coruscant dans la collection Parallax aux éditions du Bélial, et avec Natacha Vasder qui est avec nous en duplex de Bordeaux, qui est chercheuse associée à l'université Bordeaux-Montaigne. Alors, au départ, Alain Musset, avant même que la notion de science-fiction apparaisse, la ville en devenir, je le disais, plutôt dépeinte comme un avenir désirable. La ville, c'est le progrès. Alors, la ville, c'est le progrès dans notre conception moderne aussi de la ville, avec Jules Verne aussi qui prévoit des avenirs radieux sur notre belle planète. Paris au XXe siècle, Paris, Paris au XXe siècle, où il nous montre tout ce que ça peut devenir si on veut réellement aller dans ce chemin du progrès qui s'annonce lumineux. Alors, maintenant, il faut voir aussi une chose, c'est que cette science-fiction ou cette proto-science-fiction, je sais pas comment trop l'appeler, merveilleux scientifique. Proto-science-fiction, c'est très bien. Oui, c'est bien, Natacha. Bon, alors ça va. Donc cette proto-science-fiction ou ce merveilleux scientifique s'inscrit dans une lignée, mais il y a parallèlement, ou alors de manière plus enracinée, une autre lignée, qui est très très importante pour comprendre un petit peu cette détestation de la ville qui va se révéler ensuite dans notre époque vraiment moderne et contemporaine. Il faut pas oublier une chose, c'est que dans la Bible, la ville c'est mal vu. N'oublions pas ça. Je veux dire, la Bible, ça commence avec Babel. Et on voit que c'est pas franchement le paradis terrestre. Et ça se termine avec Babylone. Hein, donc Babel, Babylone, et au milieu, il y a Sodome, il y a Gomorre, il y a tout ce qu'on veut, et même Jérusalem n'est pas très très gâtée dans la Bible. Donc il y a un vieux fond religieux où on se méfie quand même de la Bible, et c'est quelque chose qui a été retrouvé dans la science-fiction. Reprenons, il y en y reviendra, Métropolis hein, de Fritz Lang, 1926, Métropolis est complètement axé sur ces deux images de la ville, Babel et Babylone, puisque le maître de la cité vit dans ce qu'on appelle la tour de la nouvelle Babel. Hein, et à la fin, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la prostituée de Babylone, c'est-à-dire le robot qui a été déguisé et qui a pris la forme de la très belle Maria, l'institutrice. Et c'est donc les deux pôles, Babel-Babylone, on a une détestation qui est quand même latente. Natacha Vazder, hein, dès le début, c'est cette histoire d'amour-haine, effectivement, comme le décrit Alain Musset. Parce que ce qu'il faut peut-être rappeler aussi, c'est que dans cette proto-science-fiction, on assiste, dès la fin du 19e siècle, à une révolution, pas seulement industrielle, mais une révolution urbaine. Les villes se reconfigurent complètement différemment, le visage des villes se transforme. Oui, alors moi je voudrais revenir à l'utopie, parce que dès l'Utopia de Thomas More en 1516, en fait on a évidemment un espace géographique qui est tout à fait important, c'est la cité, puisque sur Utopia il y a 54 cités. Et donc en fait dans l'architecture utopique, on va retrouver cette volonté en fait de créer une cité idéale, géométrique, qui doit refléter en fait l'idéalité sociale également. Seulement très très vite en fait, cette ordonnance géométrique, et on le voit par exemple à travers des remarques de Pierre L'Enfant qui est architecte de la ville de Washington, eh bien cet idéal architectural va créer une sorte de société de surveillance, déjà, hein, il fait donc cette remarque, mais aussi beaucoup d'ennuis. Et en fait, cette réversibilité de l'utopie, hein, ou de qui va devenir donc dystopie, eh bien, on la retrouve dans les années 1910-1920 avec le futurisme. Puisque ville mécanisée pour le futurisme, hein, on le retrouve par exemple dans le tableau d'Umberto Boccioni, la Città che sale en 1910, et puis le constructivisme russe en 1920. Donc en fait, les racines de la ville dystopique se retrouvent en fait déjà dans les années 1910-1920. Esthétisé évidemment par le cinéma expressionniste de Métropolis et de Fritz Lang. Et on va arriver à Fritz Lang, mais c'est intéressant, Alain Musset, parce qu'effectivement, la transformation de la ville, la transformation haussmannienne, pour parler d'une ville qu'on connaît bien et d'un pays qu'on connaît bien, c'est effectivement déjà ce que vous décrivez dans votre livre, c'est le début du panoptique. On coupe les petites ruelles, on augmente la taille des avenues, on éclaire, on surveille. Ben, c'est le principe, effectivement, de la ville moderne, où on dit il faut éviter tous les coins obscurs, tout ce qui peut paraître menaçant. Jane Jacobs, dans Vie et mort des grandes villes américaines, disait déjà qu'il faut que la rue doit être surveillée. Les habitants de la rue doivent s'emparer de la rue. La rue doit avoir des yeux, c'est le terme hein, qu'elle utilise. Et on est dans les années 60, je trouve ça terrible comme expression. Et effectivement, alors là, les panoptiques, on les a mis. Hein, Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est ce parallèle permanent entre la réalité et la science-fiction. On ne sait plus qui est en avance et qui est en retard, qui suit l'un ou l'autre. Ce qui m'avait frappé quand j'avais visité certaines townships en Afrique du Sud de Johannesburg, c'était de voir qu'on avait installé d'immenses lampadaires gigantesques hein, qui presque touchaient le ciel pour éclairer les townships de nuit, pour qu'il n'y ait pas un coin d'ombre et qu'ils soient évidemment pas accessibles, qu'on puisse pas les casser, etc. On a du panoptique et on est dans la réalité. Hein, et cette réalité, elle influe évidemment la science-fiction. Et on retrouvera, par exemple, on pourra en reparler tout à l'heure, un film comme District 9 de Neil Blomkamp qui se passe et qui inclut la science-fiction et qui refait justement le drame de l'exclusion et de l'apartheid avec une civilisation extraterrestre. On pourra éventuellement y revenir. Ce qui est intéressant peut-être à noter, Natacha Vazder, c'est que si on reste encore un instant chez Jules Verne, dont on retrouvera des échos aussi si on veut faire des allers-retours entre le présent et le passé, dans un film moi qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Tomorrowland, la cité du futur, qui est très vernien dans l'esprit et qui à mon avis est un film très très sous-estimé, on est encore dans cette idée que le progrès est un positivisme et que la ville va l'accueillir en fait, que la ville est un avenir désirable pour l'humanité. Oui, et on retrouve en fait cette ambivalence quand même dans la science-fiction contemporaine, parce que, alors je crois que Alain Musset a une vision un petit peu négative hein, de la ville de science-fiction. C'est pas et moi, j'abonde c'est, complètement. C'est, dans... Ce sont les auteurs, oui, c'est pas la moi. Représentation. Moi, je suis un géographe oui, urbain et j'adore la ville. dans la représentation, quand même, si vous voulez, même par exemple pour les villes du cyberpunk, je crois qu'il y a quand même une fascination pour cette ville, certes tentaculaire, cauchemardesque, qui est une société de surveillance, mais quand même, on aime à se perdre dans la ville tentaculaire, comme dans Coruscant, dans la ville de Blade Runner, ou encore par exemple dans Ghost in the Shell. Je pense quand même que la ville, et ça c'est pour faire le pont avec Jules Verne, elle participe en tant que représentation au Sense of Wonder de la science-fiction, vous voyez. C'est vraiment se perdre dans une ville, dans une monstruopole, comme vous l'appelez, comme dans le cyberpunk, les héros se perdent dans le cyberespace. Ah, oui, oui, ils s'y perdent, effectivement. Natacha, vous avez raison. Et j'ai vécu plusieurs années à Mexico, qui est une vraie ville de science-fiction, dans laquelle on se perd aussi. Oui, et tout c'est... à fait d'accord avec vous. Voilà, et j'adore Mexico. Hein, mais c'est en même temps une ville qui... C'est une ville monstrueuse. Voilà, elle est réellement monstrueuse. Hein, donc, et c'est vrai qu'on a cette envie de se perdre dans les rues de la Los Angeles de Blade Runner, mais est-ce qu'on a réellement envie de s'y perdre? Est-ce que ça fait vraiment envie d'y vivre dans ces immeubles glauques, dans ces rues sombres, noires, puantes. Bon, tout dépend pas... à quel étage. Alors, mais oui, mais dans Blade Runner, il n'y a pas beaucoup d'étages, c'est sympathique. Hein, franchement, hein, j'irais à Coruscant, oui. Quand on habite en haut, c'est bien. Quand on habite en bas, c'est mal, parce qu'il y a aussi une valeur symbolique, le haut c'est bien et le bas c'est mal. Mais franchement, ça ne fait pas toujours envie. Alors, cette, non, mais je crois qu'on peut être fasciné par ces espaces, par ces univers glauques, parce que sinon, je crois que ni les lecteurs, ni les auteurs ne prendraient pas autant de plaisir, vous voyez, à les décrire. Voilà, c'est la fascinant. Dénonciation, elle est là, hein, bien évidemment, oui. Mais on est sur vraiment cette ambivalence de la science-fiction à travers la ville. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, l'incarnation de cette extrême ségrégation qu'on appelle socio-spatiale verticale, c'est-à-dire les riches en haut qui vivent extrêmement bien, qui surplombent, qui ont un panorama, et puis les pauvres, les exilés, les mutants en bas, dans l'obscurité de l'ombre des tours, qui n'ont parfois même plus accès au soleil et au ciel. C'est évidemment le tournant de Fritz Lang, de Métropolis. Et ce qui est passionnant, Alain Musset, c'est que pour construire Métropolis, Fritz Lang s'inspire absolument pas tant du futur que de la réalité, de l'évolution de l'architecture contemporaine. Tout à fait. Il s'inspire de Chicago et de New York. Chicago en premier. Il fait un voyage avec Théa von Arbou, sa femme de l'époque, qui sera scénariste effectivement de Métropolis. Et lui, il est complètement fasciné. Mais en même temps, il s'est dit, mais où est-ce que ça nous mène, hein? Et il y a, Natacha le disait, cette grande ambivalence. Il y a des gens, des voyageurs, hein, qui vont aux États-Unis au début du XXe siècle, dans les années 20. Certains disent c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, et d'autres disent c'est l'horreur, c'est épouvantable. La ville est un cancer, c'est le terme qu'on retrouve, c'est un terme qui est fort. Donc il faut lutter contre ça, en réalité. La terminologie de cancer, elle est intéressante parce que ça assimile la ville à un organisme vivant, et on y reviendra souvent. La Tout ville devient à sa propre existence au-delà des êtres humains ou des êtres vivants. Et même dans certains mangas, par exemple, la ville se construit toute seule. Et donc les habitants doivent faire avec une ville qui se construit et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et parmi les modèles architecturaux de Fritz Lang, alors est-ce que on pense évidemment au plan voisin de Le Corbusier, on va vous remettre les photos. Moi, je suis retombé sur ces plans qui sont incroyables. Et fabuleux. Vous pouvez nous en dire un mot, peut-être? Oui, le plan voisin, bien sûr. 1925. Hein, l'idée, c'est de Métropolis 1927. Voilà, c'est de faire une ville logique, une ville saine et une ville bonne pour les habitants. Et l'idée, c'est de dire, bon, bah, faisons table rase. Hein, en gros, hein, rase la ville droite. Voilà, c'est ça. La rive droite, pardon. Voilà. Et à la place, on fait deux grands immeubles dans lesquels les gens auront accès à la lumière, auront accès au soleil. Ça libérera d'espace pour les circulations et on pourra même faire des espaces verts. faire. Donc c'est des tours à la campagne. Vous voyez, c'est mais de notre côté, c'est nier complètement toute l'histoire d'une ville. Or, une ville, comme disait Marcel Roncaillolo, c'est une ville de sédimentation. Il y a des couches qui se déposent et ces couches participent à l'élaboration même des imaginaires urbains. Et si on casse tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste un moment. Et ce moment-là risque de devenir pénible. Natacha Vazder. Oui, alors moi, deux réflexions quand même par rapport à ce que dit Alain. Alors d'abord sur la ville qui se développe seule, qui devient totalement autonome, ça m'a tout de suite fait penser au roman de Serge Brussolo, où l'urbanité oui. devient sauvage, angoissante, tentaculaire, des univers pièges. Par exemple, dans Vue en coupe d'une ville malade en 1980, ou Boulevard des Banquises en 1989. Et puis la deuxième réflexion, c'est, je crois, sur la construction avant Métropolis, dans les années 20. Moi, je reviens quand même à cette idée de l'architecture constructiviste russe, où les frères Vesnine, par exemple, sont les figures de proue de cette architecture. Et ils voulaient véritablement créer une ville mécanisée, où on veut former des individus dans cette ville mécanisée. Ces gens-là sont adeptes évidemment du taylorisme. On les fait vivre comme des automates et bien évidemment, on va retrouver cet automatisme dans les toutes premières scènes de Métropolis où on voit ces ouvriers qui descendent travailler ou qui remontent dans leur cité et qui sont complètement comme des automates. Sauf qu'à l'époque, en 1920, c'était un modèle architectural. Vous voyez, donc pour faire évidemment le lien avec la géographie de la ville. Vous voyez, donc on a vraiment plusieurs héritages dans la science-fiction et plusieurs perspectives très intéressantes liées à l'architecture. Et ce qui est intéressant avec Métropolis, c'est aussi eh bien l'ambivalence de cette ville, puisque c'est ce lieu qui préfigure les monstruopoles de science-fiction qui vont fleurir tout au long du XXe siècle, tant dans la littérature de science-fiction qu'au cinéma. Et paradoxalement, il y a un autre Métropolis, c'est la Métropolis positive des comics, celle de Bob Kane, qui est la ville de Superman, la ville positive, la ville de l'intégration, la ville héroïque. Alors la ville héroïque, effectivement, la ville lumineuse aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Bon, alors évidemment, c'est aussi une architecture verticale. Il y a tous les modèles nord-américains qui sont là et qui sont mis en valeur. C'est pas du tout, effectivement, Gotham City. Hein, c'est pas Batman. Mais là, je crois que Natacha a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc il y a effectivement une volonté. Hein, de faire du paysage urbain, et je dis bien du paysage urbain, quelque chose de positif, mais il faut s'interroger toujours sur qui crée le paysage urbain et quelle est la société qui va configurer cet espace urbanisé, parce que il y a d'un côté la beauté et de l'autre côté, il y a qu'est-ce qu'il y a derrière la beauté. Et dans la ville de Superman, tout n'est pas un lit de roses. Hein, il y a quand même beaucoup de problèmes et c'est pour ça aussi qu'il y a Superman qui doit intervenir pour sauver cette société-là. Donc il y a encore une fois le paysage et la réalité de la société. Mais ce qui est intéressant, Natacha Vazder, c'est que effectivement, on parlait tout à l'heure de villes vivantes. Superman et Métropolis se superposent totalement. Métropolis est la ville héroïque, le corps héroïque, l'extension du corps héroïque indestructible et positif de Superman. Oui, alors je crois que en fait la ville dans la science-fiction, dans les comics, c'est véritablement une allégorie du genre, parce que on a bien sûr une assimilation, une analogie entre les super-héros et puis la ville. Donc vous avez cité Nicolas Métropolis, mais on peut citer bien sûr Gotham City, qui est cette cité obscure, cette cité du c'est mal, le double négatif qui est totalement l'inverse. Oui, c'est le côté voilà, obscur. c'est le double négatif, et en fait ça nous montre aussi, c'est une ville qui est gangrénée évidemment par les truands, la mafia, les méchants, les méchants héros. Mais je crois que l'idée qu'il y a derrière, c'est que en fait l'architecture urbaine, elle montre bien une spatialité en fait du pouvoir dans sa structure et dans sa représentation. Donc soit on a, voyez, un pouvoir finalement qui échappe un petit peu à ses aux tenants de la ville, et donc on va avoir le pouvoir de la mafia, et puis essayer peut-être le pouvoir aussi aussi du journalisme qui est intéressant bien à sûr. Voir dans Métropolis. Mais les villes au-delà, c'est vraiment dans la science-fiction, soit la représentation du totalitarisme, soit en fait d'autres formes de pouvoir qui sont dissimulées par une architecture donc tentaculaire. Vous voyez. Donc soit des villes dystopiques, écrasantes, totalitaires. On a Métropolis, on a la ville de 1984. Par exemple, on a THX-138 quand même, premier film donc de Lucas. Soit des villes icônes du pouvoir capitaliste. Dans le cyberpunk, ça va être Elysium, Gotham City, Métropolis, Blade Runner, peut-être Coruscant. Tout ça, je pense que Alain pourrait nous en parler. On va y arriver à Coruscant, oui. Ce qui est intéressant, et si vous voulez, le miroir inverse de Métropolis, c'est donc effectivement Gotham City. Voilà ce qu'en disait Denis O'Neill, qui est l'un des créateurs de cet univers de DC Comics. Gotham City, c'est Manhattan sous la 14e rue, à minuit 11, durant la nuit la plus froide de novembre. Ce qui donne un peu un aperçu. Ça fait envie. Et écoutez comment Christopher Nolan l'incarne à travers la révolte populaire, mais une révolte populaire grouillante et évidemment pas du tout vertueuse, puisqu'elle est menée par le terrible Bane, incarné par Tom Hardy. C'est dans The Dark Knight Rises, troisième volet de la trilogie de Christopher Nolan. Derrière vous se dresse un symbole de la tyrannie, la prison de Blackgate, où un millier d'hommes se morfondent au nom de cet homme, Harvey Dent, que l'on vous a présenté comme le modèle absolu de la justice. On n'arrêtera pas de vous changer de planque jusqu'à ce qu'on vous fasse passer à la télé. On vous a procuré une fausse idole pour vous empêcher de mettre en pièces cette municipalité corrompue. Je vais vous la dire, moi, la vérité sur Harvey Dent, avec les paroles mêmes du commissaire de la ville de Gotham, James Gordon. Le Batman n'a pas assassiné Harvey Dent. Il a sauvé mon garçon. Puis il s'est accusé des crimes abominables de Harvey afin que je puisse, à ma grande honte, échafauder un mensonge autour de cette idole déchue. Et porter au nu le forcené qui avait voulu tuer mon propre enfant. Aujourd'hui, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Il est temps de confier la vérité aux citoyens de Gotham. Et il est temps, pour moi, de démissionner. Acceptez-vous la démission de ce monsieur ? Et acceptez-vous la démission de cette bande de menteurs ? De tous ces corrompus ? Voilà la corruption du pouvoir à Gotham City. C'est intéressant parce que effectivement, d'un seul coup, on voit bien la bascule complète à Natasha Vazder qui se fait, et le fait que la ville n'attire plus aucune forme de pouvoir vertueux, mais qu'avec elle, évidemment, c'est tout le pouvoir qui s'effondre, et que, eh bien, face à l'absence, face à la déréliction du pouvoir, il ne reste plus que des super-héros qui sont eux-mêmes l'image de cette corruption et qui sont des super-héros de la nuit. Oui, et vous le voyez très très bien dans évidemment le dernier film qui met en scène le Joker, hein, puisque Joaquin Phoenix vient d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette dernière version du Joker, d'abord nous sommes dans une version très réaliste, mais c'est surtout l'analogie entre, si vous voulez, l'évolution du personnage du Joker qui est en train finalement de se dégrader, mais qui est en train de faire corps avec cette ville qui se dégrade également et à qui il va apporter finalement cette nouvelle forme de pouvoir, pouvoir totalement anarchiste, qui vient du bas, et un pouvoir qui est quand même relié à la folie, hein, puisque le Joker, c'est le personnage qui sombre dans la folie, avec d'ailleurs cette architecture de l'hôpital psychiatrique d'Arkham, qui est au centre, en fait, qui est au centre du film. Donc, plus on va, enfin, je veux dire, Gotham, dans chaque image de chaque film, chaque image de Gotham, nous montre bien que c'est un pouvoir, en fait, qui vient du bas, et qui, parce qu'il a été complètement laissé en vacances, finalement, par le pouvoir officiel. C'est passionnant ce que dit Natasha Vazder, oui. Parce qu'effectivement, à l'analogie Superman et Metropolis, dont la ville est l'extension du corps, effectivement, dans ce dernier film de Todd Phillips, Gotham devient l'extension non pas de Batman, mais du Joker. Mais du Joker, et vous avez dit... Et de sa version la plus folle et la plus radicale. Mais, c'est Joaquin Phoenix aussi. C'est le voyage dans la folie. Voilà, oui. Et c'est important parce qu'il y a deux mots qui ont été prononcés, c'est corruption et vertu. Et on est là dans une idéologie aussi tout à fait nord-américaine qu'il ne faut pas oublier. La volonté de la vertu, hein, c'est fondamental. Et c'est ce qui explique aussi aux États-Unis, plus particulièrement, cette détestation de la ville comme grand organisme qu'on ne maîtrise plus et qui contribue à pourrir la société. Lis Brackett, dans un de ses romans qui s'intitule Le Recommencement, c'est après une guerre atomique, après, il y a un nouvel amendement de la Constitution américaine qui dit que on va interdire la recomposition des villes. Il est interdit d'avoir un établissement de plus de 1000 habitants parce que à partir de 1000 habitants, ça devient ingérable. Et il y a Marion Zimmer Bradley qui pour moi, quelqu'un qui est fantastique, qui est extraordinaire, dans La Vague Montante, elle imagine le futur aussi de la planète, où elle dit, il n'y aura que des villages, il n'y a pas de ville. Et ça me fait penser vraiment tout ça, encore une fois, corruption et vertu, à Ravage de Barjavel. Bien sûr. Ravage de Barjavel, on est en 1942, si je me trompe, quand il publie son roman, on est donc en plein pétainisme, et il est pétainiste. Paris, c'est le centre de la corruption, les filles perdent leur vertu. Évidemment, quand elles arrivent là. Et quand tout s'effondre, il y a François Deschamps qui va devenir le chef de l'État nouveau. François Deschamps, le Français de la campagne. Et il va interdire des regroupements de plus de 500 familles. Parce que au-delà de ça, ça devient une ville. Et la ville, c'est la perte de la société. Et alors justement, puisque vous évoquez la littérature, basculons des comics et du cinéma à la littérature, puisque si on avance effectivement un peu dans le temps, Natasha Vazder, on arrive à ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction, en tout cas au moment où la science-fiction devient science-fiction, et très vite, les grands auteurs de l'âge d'or s'emparent de la ville, l'étendent, la poussent jusqu'à une taille qui est celle d'un monde, d'une planète, et on pense évidemment à 30 heures dans le cycle Fondation d'Asimov, c'est l'émergence, l'apparition des villes-mondes, des villes-planètes. Oui, et là encore une fois, je reviens à l'idée principale qui est que la ville est vraiment l'allégorie pour moi de la science-fiction, et notamment à travers cette image de la ville-planète, où là, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que on est à l'apogée en quelque sorte d'une civilisation technologique, mais en même temps, on a complètement la suppression finalement de la nature. La nature n'existe plus, et c'est l'image dans la science-fiction de l'homme qui finalement maîtrise l'univers et le monde à l'échelle d'une planète. Donc on est quasiment finalement sur une image cosmique. Après, je crois que la littérature de science-fiction, alors là, j'avance un petit peu sur la fin du XXe siècle, et je vais citer quand même des auteurs français, je crois qu'il y a également des villes qui sont coupées de l'environnement. C'est-à-dire que comme on ne maîtrise plus les villes, eh bien, en fait, on va recréer un espace urbain protégé, notamment sous des dômes. Mmh. Alors on peut voir ça par exemple dans la ville de Panem dans Hunger Games, mais on a ça dans Globalia de Jean-Christophe Ruffin, ou par exemple dans Faust de Serge Lehmann, où là en fait on a le monde est devenu une sorte de village autour de la rue de Darwin Alley. Et ce sont en fait juste des zones très contrôlées, très maîtrisées. Darwin Alley, il faut préciser peut-être, Natasha Vazder, Darwin Alley dans Faust, c'est une rue, une sorte de projet Exactement. Food, une rue qui relie l'intégralité de la planète. Qui fait le tour en fait de la planète, exactement. Oui. Et donc on a une vision de la mondialisation qui est surtout une vision de la ségrégation sociale. Vous voyez, donc en fait c'est tout le spectre de ces espaces urbains en fait que la science-fiction explore. Ce qui est passionnant, c'est vous citez, j'aime beaucoup Henri Lefebvre dans votre livre Alain Musset. Vous dites Henri Lefebvre qui dit à un moment donné, ce n'est plus la société qui fait ville, mais la ville qui fait société. C'est-à-dire que la ville devient l'horizon indépassable et finalement un peu la fin du parcours de l'humanité. Quand on a d'un seul coup totalement urbanisé une planète, on ne peut plus aller plus loin, c'est la fin de l'évolution de nos civilisations. Tout à fait. La pensée de Lefebvre, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas qu'on se trompe quand on dit la ville fait de nous ce que nous sommes. Nous faisons aussi la ville et nous devons la faire. Donc, c'est ce qu'il explique par le droit à la ville. Tout le monde a le droit à construire la ville. On n'a pas. Ce qui est terrible, c'est quand on nous impose à la fois un paysage, une norme, des règles, etc., etc. Il n'y a pas de participation et là, c'est terrible. Mais cette idée de la ville-monde qui clôt finalement un cycle de l'humanité. À la fin des années 60, c'est Constantin Doxiadis, qui est un architecte grec, qui a un des premiers utilisé le terme de œcuménopole. C'est-à-dire la ville monde, la ville qui recouvre tout, en disant regardez les taux d'urbanisation, regardez comme les villes se répandent, s'étendent. Qu'est-ce qu'il arrive si jamais tout de la planète est recouverte. Et donc, il pose cette question, et ce qui est intéressant, c'est que ensuite, les auteurs de science-fiction vont utiliser aussi le terme. J'ai retrouvé dans pas mal de romans Star Wars le terme d'œcuménopole pour désigner Coruscant, donc qui est la capitale de la République qui est une autre galactique, planète. Qui est inspirée de 30 heures. Natacha l'a dit, le modèle de Coruscant, c'est 30 heures. Et l'idée, c'est ça, c'est que tout est recouvert. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que une croûte de béton, de fer, d'acier, de verre, etc. Et qu'est-ce qui reste de notre relation avec la nature ? Plus rien. Et ça, c'est justement, en retournant à l'idéologie nord-américaine, quand on perd le lien avec la nature, on perd le lien avec soi-même et on perd le lien avec Dieu. C'est très, très important. Et il y a deux grands auteurs du début du 19e siècle qui ont influencé énormément la science-fiction nord-américaine. Ça va être Thoreau, donc avec Walden ou La vie des bois, ou Emerson, avec ses poèmes. Donc lui, il est fils de pasteur, donc qui parle de la vie dans les bois et qui dit c'est là qu'on rencontre Dieu. Et dans la ville, on perd Dieu. Et aux États-Unis, in God we trust, si on perd Dieu de vue, on se perd. Et bien, à Coruscant, si on perd Dieu de vue, on passe du côté obscur. On passe complètement du côté obscur, mais alors là, attention, problème de religion, est-ce que les Jedi sont réellement des religieux? C'est plus compliqué que ça, évidemment. Non, ce qui est intéressant, peut-être, il faut citer pour revenir à la littérature, Natacha Vazder, le modèle, alors on est de ces villes-mondes, ou en tout cas qui vont aussi structurer beaucoup tout l'imaginaire de science-fiction et la suite, la littérature et le cinéma, c'est Silverberg et les monades urbaines en 71. Oui, alors ce qui est intéressant avec Silverberg, c'est que d'abord c'est le terme de monades urbaines. Peut-être vous pouvez nous redire, nous réexpliquer ce que c'est que ces monades pour les auditeurs. Oui, bien sûr. Donc en fait, les monades urbaines, c'est tout simplement donc un univers, une ville où en fait on perçoit en fait la vie. On est dans une espèce de focalisation interne. Et on est sur des gens qui vivent dans des appartements, qui vivent dans de gigantesques immeubles, et tout leur univers, en fait, eh bien, ce sont ces appartements. Et quand ils changent de vie ou qu'ils changent de quartier, en fait, ils changent d'appartement, ou, alors là, grand changement, c'est l'étage. Voilà, c'est et en ça. Fait, ça s'appelle les monades urbaines, les monades urbaines, parce que, en fait, c'est un terme qui vient de la monadologie de Leibniz, qui est donc un philosophe de la fin du XVIIe siècle, qui a été évidemment très moqué par Voltaire dans Candide. Et en fait, pour Leibniz, l'univers se suffit à lui-même. Et on est sur, si vous voulez, un micro-univers en quelque sorte. Et cette image du micro-univers totalement autonome, eh bien, Silverberg va le réutiliser, en fait, dans les monades urbaines. D'ailleurs, Alain Musset l'appelle une narcologie dans son... Hein, c'est ça, Alain, alors, je ne me trompe pas. Encore une fois, ce n'est pas moi. C'est Paolo Soleri. Voilà, effectivement, c'est Paolo Soleri qui parle des archéologies. Tout ce que je dis, moi, c'est que d'un certain côté, les monades, et notamment les monades de Coruscant, peuvent s'inspirer des archéologies. Pardon, je vous ai coupé, Natacha, excusez-moi. Oui, non, mais je vous en prie, mais c'était pour... chez Silverberg, on a en fait la ville, alors là aussi, vous voyez, on est dans une sorte de géométrie variable, c'est-à-dire que on imagine cette espèce de planète cité géante, et les gens, en fait, vivent dans des appartements, donc ils n'ont plus aucun lien, en fait, avec l'extérieur. Et l'extérieur se retrouve à l'intérieur. Vous voyez, donc on est dans une sorte de dialectique spatiale et géométrique que la science-fiction peut permettre. Hein. On est dans la relativité de l'espace en quelque sorte. Ce qu'on retrouve, un système poussé à l'extrême dans un roman que j'ai beaucoup aimé, que je défends parce que je trouve extrêmement singulier, et qui est un roman qui gratte un peu, qui est Vite et M de Jean Barret, où on se retrouve exactement dans ce système de Silverberg, mais version punk, trash. Tout à fait, et très trash, parce qu'il y a Bonheur TM, qui était déjà pas complètement gay, et Vite et M, qui est l'étape d'après. Qui est l'étape d'après, avec deux visions d'ailleurs complètement différentes. Oui. Même si on a l'impression que VTM est la prolongation temporelle en fait de Bonheur. C'est-à-dire qu'on a, dans Bonheur, on trouve les racines de ce qui va devenir Vie, et on attend évidemment le troisième tome qui s'appellera Mort à la rentrée. Si on avance un peu, ce qui est intéressant, c'est que si, j'aimerais vous entendre là-dessus tout de même, Alain Musset, c'est que ces villes, dans les monades urbaines chez Silverberg, c'est que d'un seul coup, la ville devient elle-même, finalement, génère son propre système politique, philosophique, métaphysique. C'est-à-dire que c'est la ville qui détermine et qui refaçonne la société. Alors, oui et non. Évidemment, je veux dire, les monades urbaines, The World Inside, c'est des édifices de 3 km de haut qui sont très très stratifiés, effectivement, et comme dans Metropolis, les plus riches, les administrateurs, les gens qui ont des responsabilités sont en haut, et les ouvriers sont plutôt en bas, personne n'a le droit de sortir, il n'y a que des paysans qui cultivent, mais on ne sort pas. Si on veut sortir, si on n'en peut plus, une des solutions, c'est de monter au dernier étage et de sauter, ce qui n'est pas franchement non plus très très optimiste. Donc ce cadre impose des règles, effectivement, mais le problème de la science-fiction et qui est posé par de nombreux auteurs, c'est mais qui a fixé les règles? Parce que les monades ne sont pas nées comme ça. Il y a des gens qui les ont construits, et ces gens-là, ils ont construit un ordre spatial qui correspondait à l'ordre social qu'ils voulaient imposer. Et tout est là. C'est-à-dire que la ville, en fait, c'est l'expression d'une idéologie. Et l'ordre social et la transformation de cette idéologie et évidemment la gestion des flux de la surpopulation, là on commence à rentrer vraiment et à prendre à bras-le-corps la dystopie urbaine telle que l'a décrit évidemment Richard Fleischer dans Ceux de l'hiver. Approchez, messieurs, dames, venez vite, c'est une affaire en or. Tous les objets en plastique dont vous rêvez, nous avons le plus grand assortiment d'objets en plastique. Il y en a qui sont un peu fendus, mais certains ont juste quelques craquelures. Voir ces samples et acheter du soleil jaune fait avec d'authentiques gerbes de soja. Demandez mes pains de soleil, demandez mes pains de soleil, demandez. Vous qui avez de l'argent, montez, venez m'acheter du soleil vert. Ici, on vend du soleil vert. Ils m'en ont même pas donné un demi-kilo. Je suis resté là à faire la queue toute la seule journée. Ils m'ont même pas donné un demi-kilo. C'est ça un monde de voir ça. Laissez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Vous n'allez pas me boucler par tout le monde. Ils vont manquer de soleil vert. Tas d'idiots. Il y a eu des difficultés de transport. Cette foule peut faire une émeute, je sais. J'ai dit que les dégageuses soient prêtes, mais je ne sais pas si je dominerai la situation. Quand vas-tu faire l'annonce? Dès que j'aurai assez de courage. D'ici 5 minutes, je pense. Préviens les autres. Bien. Ici la police! Ici la police! Ici la police! Nous vous demandons de vous disperser. Il n'y a plus de soleil vert. On a épuisé tous les stands. Vous êtes une bande de rentrés. Évacuez immédiatement le secteur. Les dégageuses vont arriver. On retrouve là le combo parfait, surpopulation, pouvoir autoritaire, verticalisme social, la société cauchemardesque qui est partie dans le mauvais sens, la dystopie totale, Alain Musset. Et l'accès aux ressources. L'inégal accès aux ressources qui est un des principes de la ville insoutenable décrite par la science-fiction et qu'on retrouve aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, et je crois que c'est vraiment fondamental, que la science-fiction se nourrit des sciences sociales et que les sciences sociales peuvent aussi se nourrir de la science-fiction. Je donnerai un exemple, puisqu'on a Soleil Vert. C'est un exemple important dans votre livre, hein, vous y revenez beaucoup. J'y reviens parce que c'est pour moi vraiment fondamental, le livre d'Harry Harrison, Make Room, qui devient Soleil Vert, qui parle de la surpopulation, encore une fois de l'accès aux ressources. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais tu m'as spoilé la fin de Soleil Vert ». J'ai dit « C'est un film qui a un demi-siècle, bon, je pensais pas spoiler ». On va essayer de ne pas le faire ici, mais... On entend qu'il y a effectivement là ces plaquettes de Soleil Vert qui sont distribuées et qui sont très attendues par la population qui crève de faim. Josué De Castro, qui était aussi un anthropologue, avait écrit dans les années 60 un roman qui s'intitulait Des hommes et des crabes. C'était sur la vie à Recife et c'est très intéressant parce que c'est les populations très pauvres qui vivaient dans la mangrove, etc. Et il disait il y a un cycle, le cycle du crabe. Et le cycle du crabe, c'est quoi ? Quand quelqu'un meurt, il est enterré sur la plage. Et évidemment, sans protection, les crabes viennent, le mangent. Et que mangent les gens qui sont là ? Ils mangent les crabes. C'est-à-dire qu'on a du cannibalisme au deuxième degré qui se fait. Et je ne veux pas spoiler, mais bon, dans ce livre, je me demande s'il n'y a quand même pas un petit peu... People are Lenngren, paraît-il, Natacha Vesder. Oui, alors moi je vais pas spoiler la fin, mais je vais vous parler du début et du générique de Soleil Vert, parce que je trouve que dans ce film, ce qui est très intéressant, c'est ce générique. Oui, alors oui. Générique en split screen, hein, très très années 70, mais où on a en fait cette évolution, que en fait la ville explose littéralement à partir évidemment de la révolution industrielle, et on a cette accélération en fait de l'évolution de la ville qui va évidemment amener à la société donc de Soleil Vert, à cette démographie qui étouffe complètement en fait la ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à l'urbanophobie, c'est-à-dire qu'on présente en fait la campagne comme un monde totalement idéalisé, où on avait encore donc à manger pour tout le monde. Et même George Orwell, par exemple, dans les années 30, eh bien, il regrettait dans un de ses articles la transformation de la campagne anglaise en zone urbaine et industrielle. C'est le message aussi qui est porté par Soleil Vert. Il y a quelque chose, si on veut avancer, parce que l'heure tourne et la discussion est passionnante et il y a plein de choses qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder. Il faut évidemment parler, dans la fixation de l'imaginaire contemporain cinématographique, de ce que Ridley Scott fait du texte de Philip K. Dick et donc de la ville de Blade Runner. Et j'aimerais qu'on l'aborde d'ailleurs au regard du film de Denis Villeneuve, qui prend le contre-pied exact du film de Ridley Scott, c'est-à-dire que le film de Ridley Scott, vous avez certainement en tête l'ouverture sur ces grandes pyramides, ces torchères au fond qui brûlent le vaisseau sur la musique de Vangelis. Et si vous regardez le début du film de Villeneuve, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la ville, on est à la campagne, on est dans une campagne sur des champs, on survole des champs blancs, on ne sait pas très bien ce qui se passe, ça a l'air de cultiver mais de la sous-nourriture, et en fait il y a vraiment là quelque chose de très important et un dialogue entre les deux films, entre la ville tentaculaire et la nature dévastée, post-apocalyptique, Alain Musset. Est-ce que c'est contradictoire ? Pas du tout. Pas du tout. C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est que d'un côté, hein, dans le premier, on reste dans la ville, on n'en bouge pas. Et c'est vrai, c'est une ville oppressante, etc. Dans le deuxième, on en sort, mais ce qu'on voit du dehors, ça fait pas envie non plus. Ce sont effectivement ces champs plus ou moins dévastés. On sait pas ce qu'on produit. Les agriculteurs sont en combinaison hazmat. Exactement. C'est pas très rassurant. Mais alors, je vous rassure, je vous inquiète. Si vous allez en Californie, que vous promenez dans les grandes plantations d'orangers, de pistachiers, etc., vous avez partout des panneaux en disant ne sortez pas de la voiture, n'ouvrez pas les fenêtres, parce que l'air est dangereux. Et effectivement, on s'est arrêté pour prendre des photos et je vous assure, ça pue. Et on referme très très vite. Donc, on n'en est pas loin. Hein, et il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les champs, hein, mais vraiment les champs d'immondices, de saleté, de tous les détritus de la ville qui vont se déposer. Et là, on a des visions absolument hallucinantes, hein, de ces paysage complètement dévasté, détruit, non pas par la ville, mais par la post-production de la ville. Vous voyez ? Et là, on a, encore une fois, deux visions complémentaires et deux visions qui, malheureusement, ne donnent pas une vision très, très optimiste de la ville de Los Angeles du futur. Comment vous expliquez, Natasha Vazder, que cette ville de Blade Runner, elle est marquée à ce point-là l'imaginaire de science-fiction contemporaine ? Parce que vraiment, cette image de la ville cosmopolite, les grandes pyramides, les grandes tours, et en même temps, cette espèce de ville mélangée américano-sino-chinoise, avec toute forme de mutants grouillants, c'est vraiment le béaba de l'imaginaire de ce que sera la ville, et on le retrouve partout, et dans du jeu de rôle, et dans de la littérature, et dans d'autres films. Ça a vraiment marqué. Pourquoi, à votre avis? Alors, d'abord parce que c'est le béaba d'un sous-genre de la science-fiction qui est le cyberpunk. Tout à fait. À partir des années 80, Blade Runner, c'est 1982. Et en fait, et c'est la représentation... Neuromancien, c'est 83, de voilà, mémoire. Voilà, exact. C'est 1980. Attendez, je ne veux pas dire... 80, vous avez raison, c'est 80, Neuromancien, c'est 80. De William Gibson. Ouais, voilà. Ouais. Donc, on est complètement dans la représentation cinématographique du cyberpunk. Et ce cyberpunk, dans les années 80, eh ben, nous montre la prédominance de la technologie. Alors, une technologie qui est un petit peu sauvage, dont on se sert de manière peut-être pas toujours extrêmement rigoureuse, mais on a surtout une ville capitaliste. C'est-à-dire que la Tyrell Corporation, dans 1984, c'est un pouvoir totalitaire, vous voyez, qui écrase en fait les individus. Mais là, c'est la Tyrell Corporation, première scène d'ouverture, qui finalement écrase la ville et pose le pouvoir de l'entreprise, qui est vraiment, si vous voulez, la condition sine qua non de l'univers cyberpunk. Les corporations. Et ensuite, voilà, des corporations. Et ensuite, on a des images assez fascinantes, comme ces immenses publicités que l'on retrouve donc sur les immeubles. Mais on a cette vision du futur qui finalement est assez réaliste, avec un climat où il pleut tout le temps, il fait chaud, on est dans le réchauffement climatique. Point d'interrogation dès les années 80. On est également dans ces voitures volantes. Et c'est aujourd'hui un fantasme d'aujourd'hui, quand même, les voitures volantes. Et puis dans ce cosmopolitisme qui, dans la littérature, depuis la fin du 19e siècle, est quasiment quand même une utopie. Hein. C'est-à-dire qu'on est... On est quand même heureux d'être dans une ville où se croisent toutes les populations du monde qui viennent habiter dans ces villes, une dominance peut-être asiatique. Vous voyez, donc ce sont des villes qui représentent, je pense, un fantasme du futur. Et c'est pour ça que Blade Runner, à mon avis, a autant marqué l'imaginaire de la science-fiction. Alain Musset, un mot de conclusion. Alors, un petit mot de conclusion, parce que je crois que Natacha a raison, on est tout le temps, toutes ces villes en général font pas toujours très très très envie, et ainsi, et il n'y a pas moyen de s'en sortir. Hein, there is no alternative, comme disait quelqu'un Margaret Thatcher, tout à fait. Et je voudrais peut-être prendre l'exemple de Snowpiercer, de Bong Joon-ho, Qui vient de gagner l'Oscar pour Parasite, grand réalisateur, adaptation d'une bande dessinée française. Exactement, le transpersonnage, l'aube et Rochette. Et à la fin du film, toute l'histoire, c'est une parabole de notre société et de nos villes. Bon, dans un train qui ne s'arrête jamais parce qu'il neige à l'extérieur, il est impossible de vivre à l'extérieur, tout est glacé, etc., etc. Et il y a les gens qui sont fortunés, qui sont devant le train, et dans les derniers wagons, il y a les dernières classes et il y a une structure qu'on retrouve dans le silo de Hugo Way, par exemple, voilà, c'est une ville enterrée. Bon. Et finalement, c'est pareil que Metropolis. En haut les riches, en bas les pauvres. Et il y a Curtis qui essaye de faire une révolution et de se lancer, de remonter jusqu'à la locomotive pour s'emparer du train. Et en revanche, il y a un geek déjanté qui est Namgung Minsu, qui lui veut faire péter une porte en disant non mais il faut sortir, mais on lui dit non, c'est pas possible, there is no alternative, dehors on peut pas vivre. Et finalement il fait péter une porte, ce qui fait dérailler le train. Il reste plus que deux survivants, mais on découvre qu'il y a quand même de la vie. On voit un ours blanc à la fin, désolé spoiler. Et l'idée elle est là, c'est que le vrai révolutionnaire, c'est pas celui qui veut s'emparer du train, c'est celui qui le fait dérailler. Merci beaucoup à tous les deux. Écoutez, on a laissé tellement de choses de côté et c'était tellement passionnant que je vous propose de faire d'ici quelques semaines ou quelques mois un numéro 2 en partant de Blade Runner jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a laissé de côté Ghost in the Shell, Dark City, Minority Report, Elysium, Matrix, Je suis une légende. Bref, donc on fera, je m'y engage auprès de vous, auprès des auditeurs, on fera un deuxième chapitre des villes et de la science-fiction. C'était vraiment absolument passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alain Musset, avec je rappelle. Plaisir, Nicolas. Station Métropolis, direction Coruscant, ville, science-fiction et sciences sociales. C'est aux éditions du Bélial. Natacha Vazder, un tout petit mot très rapide de votre festival à Bordeaux, premier festival de l'imaginaire, Hypermonde. C'est en juin, je crois. Oui, tout à fait. Du 19 au 21 juin, à la médiathèque de Mérignac, nous sommes dans Bordeaux Métropole. Et le sujet sera robots et intelligence artificielle. Super, super. On en reparlera évidemment dans l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Delphine Baudet aujourd'hui à la technique. Un mot sur ce qu'on vous avait préparé dans le laboratoire de la méthode pour la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons des cellules cartées. Mardi, de l'entropie. Mercredi, des systèmes complexes, les nuées d'oiseaux, les bancs de poissons, tout ça, c'est passionnant. Jeudi, de la naissance des idées scientifiques. Et vendredi, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Rendez-vous demain à 16h avec le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.